les centaures, cinquième partie, 2. Tout le jour, Clévorac est resté sous les saules, étendu près de la rivière. Ekem, Miorak et Babidam sont assises à son côté. Cadilda est allée au bois et en a rapporté au vieux centaure, à large brassée, des rameaux chargés d'olives et de racines de reiki. Puis, avec de grands soins, à plusieurs reprises, elle a pansé la blessure que Clévorac porte au pied gauche de devant. Rien n'égale l'adresse de la Vierge. Dans un coquillage creux, rempli d'eau, elle plonge une poignée de mousse très fine et puis la pose sur la plaie. Au contact humide et frais, la douleur cesse. Alors, très doucement, elle enroule une liane autour du paturon, si habilement que le chef peut marcher sans que glisse la mousse bienfaisante. Tous la regardent avec admiration. Leurs gros doigts seraient incapables d'un travail si délicat. Les vieillards accroupis échangent des paroles lentes. Malgré le poids des ans, ils ressentent cruellement le regret de ne point combattre aujourd'hui auprès des jeunes. Et chacun d'eux, à son tour, exhale sa rancœur et puis se tait. Ekem songe tout haut. La loi antique était sage qui accordait la mort à celui que son âge rend incapable de suivre ses frères à la pâture et à la guerre. Clévorac hoche la tête. Son œil va à la Vierge blanche qui est assise sans parler. Miorak interroge. Cadilda, comment tes jambes ne t'ont-elles pas emportées, malgré ta volonté, à la suite de la horde ? Mais la centauresse secoue les épaules. J'ai peur de sentir et de voir le sang. Clévorac reprend avec gravité. Il est interdit de répandre le sang à plaisir, mais quand la loi prescrit de le verser, il est bon à voir et son odeur affermit les cœurs. Quiconque sent autrement n'a point l'âme du peuple aussi membre. Humblement, Cadilda courbe le front et ne réplique pas. La parole de Clévorac est juste. Non, la centauresse ne possède point l'âme de son peuple. Elle n'a point l'humeur joviale et indomptée des centaures. Elle ne partage ni leurs plaisirs ni leurs douleurs. Il s'agit en elle des sentiments confus qu'elle ne saurait dire, que ses frères ne sauraient comprendre. Sa langue est incapable de les exprimer. Elle le pourrait, qu'une honte la retiendrait de le faire. Il y a en elle un monde mélancolique et doux, comme un ciel d'automne voilé de brume et qui mourra avec elle. Les heures s'écoulent. Plusieurs fois, les vieux ont pensé tout haut. Maintenant, sans doute, les impies ont expié leurs crimes. Les pieds grattent le sol avec impatience. Les esprits se fatiguent d'être obsédés par un seul souci. Vers le soir, les eaux de la rivière se rident et les écailles des tritons étincellent aux rayons couchants du soleil. Leurs faces plates grimacent au-dessus des épaules jaunâtres. Les triomphateurs sont-ils revenus ? Les centaures secouent la tête. Alors le peuple aux mains palmées se vautre dans les roseaux et sur les berges gazonnées en attendant le retour espéré. Puis, du côté du bois, il y a un bruissement de feuilles froissées. Sont-ce les vainqueurs ? Les silhouettes oscillantes des faunes se rapprochent. Eux aussi veulent savoir avant la nuit que la blessure de Fut est vengée. Parmi les premiers, Clévorac a vu Spirip, et à côté de lui, Puyulex, qui, ce matin, partit avec les centaures. Goguenard, le vieux chef, l'interroge. A-t-il devancé ses frères aussi membres pour annoncer le premier la victoire ? Puyulex tous crache par terre et affecte de décortiquer très laborieusement une noix. Les centaures rient aux éclats. La lâcheté du peuple de Pirip est connue. Ils ont peur de tout, même des écorchés. L'odeur du sang les met en syncope. Au sarcasme des vieux, Pirip et ses frères froncent le sourcil d'un air offensé, puis, feignant l'indifférence, affectent de regarder les jeux des tritons en se grattant les cuisses. Mais ils ne peuvent longtemps se faire violence, et bientôt ils s'abandonnent avec eux à la gaieté. Eh bien non, ils n'entendent rien à la guerre. Les grands frères, n'est-ce pas, n'ont pas besoin de leur aide. Clévorac approuve de la tête, et le silence se refait, troublé seulement par les pourchats des tritonneaux et des faunillons. Sur la berge, ils s'empoignent et se roulent, et les femelles rient de voir leurs mains palmées s'accrocher aux sabots fendus et le pêle-mêle des nageoires dorées et des cuisses barbues. Le soleil s'est éteint dans sa gloire, tout le ciel est rose. Une douceur infinie de vivre remplit les airs. Les derniers chants d'oiseaux trillent follement avant le sommeil. Puis monte le coassement des grenouilles, les lapins gambadent, taquinés par les faunillons. L'ombre descend et s'épaissit, les étoiles s'allument. Faunillons et tritonneaux baillent et s'assoupissent. Les centaures ont-ils dû traquer les impurs jusque dans les flots? Peut-être ne reviendront-ils qu'après le lever de l'autre soleil. Les coups s'érigent, les oreilles se tendent. Un bruit inégal se rapproche dans la forêt. Ce n'est point la horde tout entière. Peut-être des messagers précèdent les autres. Un double galop frappe le sol en cadence. Un long murmure de joie court parmi les faunes. Les tritons se bousculent sur la berge. Les vieux centaures se lèvent et font quelques pas. Cadilda est debout à côté de son père. Une acclamation salue deux fantômes noirs qui débouchent du bois. Mais ils ne répondent pas. Sans doute la rapidité de leur course leur ôte la parole. Les pieds de chèvre courent à leur rencontre et s'écartent aussitôt avec un glapissement d'effroi. Haïdar et sa carbatule font halte devant Clévorac qui les toise sans comprendre. Leur aspect est horrible. Sa carbatule a un œil crevé, trois blessures au poitrail, un glaive brisé passé à travers l'épaule. Haïdar est tout rouge. Çà et là, des tronçons de flèches sortent de ses plaies. Le chef interroge. « Où est mon peuple ?» Sa carbatule se tait. Le chef interroge de nouveau. Alors, Haïdar montre le glabre du doigt et ensuite se désigne lui-même. Et, dans le silence nocturne, il articule d'une voix affaiblie. « Voici ce qui demeure du peuple aux six membres. » La stupeur cloue les langues au palais. Mais soudain, une bouffée de fureur enivre le chef. Il gronde « Tu mens !» et étend les mains pour étrangler l'imposteur. Avec un gémissement, sa carbatule s'est laissée aller à terre. On entend son sang couler goutte à goutte. Haïdar chancelle lui-même et répète « Chef, voici ce qui demeure du peuple aux six membres. » Puis, rassemblant ses forces, d'une voix entrecoupée, dans l'horreur de tous, il raconte l'effroyable bataille où succomba la force séculaire du peuple roi. Et quand il a terminé son récit, il y a un long silence. Un centaure ne ment point. Les choses qu'a dites Haïdar sont exactes. Sa carbatule, d'une voix brisée, affirme. Il en fut ainsi. Mais tant de prodiges ne peuvent d'un seul coup entrer dans les intelligences. L'un après l'autre, Clévorac, Miorac et Kem, la vieille Babidame, s'obstinent à questionner. Ce n'est pas vrai, voyons, que tous ont péri. Yahor au moins a survécu, ou Arc, ou Trègle gris. Haïdar branle la tête, tous sont morts. Et Colpitru le géant. Il est impossible que les mains frêles des écorchés l'aient terrassé. Si, lui aussi s'est écroulé, le dernier. Par quel sortilège les impurs ont-ils pu triompher ? 20 fois, le centaure explique le prodige des flèches, des armes tranchantes, faites de pierres inconnues et des chevaux dociles. Les vieux l'écoutent et tâchent de pénétrer leurs esprits du mystère de ces choses. Mais ils s'efforcent en vain, impuissants à les concevoir. Qui donc a révélé ces sortilèges aux écorchés ? Haïdar décrit le chef blond qui commandait au peuple maudit, son regard bleu flamboyant, et il ajoute « Père, te souviens-tu, au pays des roches rouges, du petit être indomptable qui, le soir où nous exterminâmes les écorchés, frappa de sa main Arc le Rude et nous menaça du feu ? En vérité, je te le dis, c'est lui qui est revenu et a guidé sur nous la vengeance de ses frères. » Les vieux centaures ne se souviennent pas et hochent le menton. Si écrasante est la détresse descendue sur la grève, que tritons et faunes, sentant leurs esprits brisés, se sont retirés sans bruit dans leur retraite. Avant d'envisager l'avenir, les âmes ont besoin de se refaire dans le sommeil. Alors les centaures demeurent seuls sur la berge qu'éclaire maintenant la lune blêmissant au-dessus des bois. Les regards de Clévorac se promènent sur ceux qui l'entourent, tandis qu'il compte sur ses doigts. Ekem, Miorak, Babidam, Haïdar, Sakar Batul, Kadilda et lui-même. 7. Il en reste 7 de la multitude encore ce matin presque innombrable. La lune éclaire sinistrement les silhouettes décharnées, les chevelures blanches et les membres émaciés des vieux, et les fantômes sanglants et effroyables des blessés. 4 vieillards, 2 mourants et une vierge timide. Voilà ce qui survit du peuple aux 6 membres. Demain soir, quand survivra-t-il ? Des pensées définitives se précisent dans l'âme du chef, et il prononce « Voici la fin du peuple roi. Demain se lèvera le dernier soleil de notre race. » Nul ne proteste, aucun ne songe à éviter le sort, à retarder par la fuite l'heure fatale. La force du peuple roi est anéantie. Tous ont déjà succombé avec lui aujourd'hui. L'idée de survivre ne les effleure point, et la voix mugissante de Clévorac célèbre une dernière fois la destinée des centaures. Il compte comment, chassés par le froid et la pluie, ils quittèrent les roches rouges et au prix de quelles souffrances. Sous des cieux nouveaux, ils établirent la paix de tous et la justice. Mais ils ont succombé dans une grande bataille. La mort est sur eux. Ceci est vrai. Ils ne périssent point sous les coups vils des écorchés. Par leurs membres grêles, c'est la nature elle-même qui frappe les centaures. Depuis des années, la fécondité des dominateurs est tarie. Depuis des années, le froid et la pluie les harcèlent, les ont traqués jusque dans l'île bienheureuse. Ils ont atteint l'extrémité occidentale de la terre. Dorénavant, il leur serait impossible de suivre le soleil dans sa course. La chaleur divine s'est retirée de leurs reins. Elle délaisse les cieux où ils vivent. L'astre les fuit sans qu'ils puissent le rejoindre sur les flots mouvants. Les centaures sont prêts à mourir. Au lieu que leur force diminue peu à peu et qu'ils succombent les uns après les autres sous la lente morsure du froid, voici que la mort glorieuse va les emporter tous ensemble dans un seul combat. Il leur convient, en périssant, de célébrer d'un cœur joyeux, après la vie qui les unit, la mort qui ne les sépare point. Leurs yeux se fermeront sans peur, leur destin est clos. D'une seule voix, les centaures répètent les paroles du chef, Puis, délaissant la berge lumineuse, ils regagnent leur taillis et, sans colère, sans appréhension, ayant accepté, ils dorment paisibles leur dernier sommeil. Seule Cadilda n'a pas uni sa voix aux autres. Seule elle demeure éveillée après tous. Voici que son cœur, encore une fois, se sépare de celui de son peuple. Certes, au récit de Haïdar, elle a été déchirée de douleur. Elle a souhaité d'être morte avec ses frères. Mais maintenant, elle se révolte à l'idée que demain il faudra périr. Elle est jeune, elle est belle, elle a soif de vivre, elle n'a point aimé. Tout traité est-il donc impossible avec les vainqueurs? Ne laisserait-il point vieillir près d'eux, paisibles et inoffensifs, les survivants du peuple roi? Mais de telles pensées sont inaccessibles aux vieux. Cadilda elle-même a honte de les concevoir, et elle n'oserait les énoncer tout haut. Demain, donc, elle mourra. Mais, avant de mourir, peut-être une joie suprême lui est réservée. Elle reverra l'enfant Naram, qui jadis brava la race aux 6 membres et qui hier l'extermina. Il est devenu un grand mâle à la voix menaçante, aux bras meurtriers, à l'intelligence formidable, au cœur de roi. Pourtant, puisque Haïdar l'a reconnu, sans doute son œil clair est resté le même. Peut-être une fois encore, il se fixera sur elle. Alors, elle mourra très heureuse. Et Cadilda s'endort, et dans la nuit suprême, elle rêve de nouveau le vieux rêve d'autrefois. Voici que Naram, l'enfant blond, se promène dans les bois feuillus à côté d'elle. Autour d'eux, les oiseaux gazouillent et les lapins se roulent dans l'herbe. Il a passé un bras autour de sa taille, la serre contre lui et tient sa main dans la sienne. Une incomparable douceur les enveloppe. Sa voix harmonieuse murmure des mots qui bercent. Et soudain, la caressant de ses yeux nacrés, l'enfant approche son visage de celui de la Vierge et pose ses lèvres sur sa bouche frémissante. À l'aube qui blanchit, les centaures s'éveillent. Dans le ciel sans nuages s'éteignent les étoiles. Les brumes roses s'enflamment à l'orient. Le Père Soleil surgit dans sa gloire. Les centaures tendent les bras vers lui et l'acclament. Quel sera l'ordre de leur mort? La voix de Clévorac commande selon l'instinct qui est dans les cœurs. Ce matin, comme de coutume, ils iront tous ensemble faire la cueillette des fruits et des racines, et ils se réjouiront de la fraîcheur des bois couverts de rosée. Puis, ayant choisi des massues lourdes et solides, ils retourneront vers la plage d'Occident, tout près de l'embouchure de la rivière, et là, couchés sur le sable, emplis de la beauté de l'astre, du ciel profond et de la mer étincelante, ils achèveront de vivre et attendront les hommes. À pas lents, à cause de la vieillesse des uns et des blessures des autres, les centaures s'enfoncent sous les pins et atteignent le bois d'olivier et le champ de réki tout proche. Les parfums de l'île merveilleuse embaument leurs narines. L'éclat argenté des oliviers, la verdure sombre du réki caressent leurs yeux. Autour d'eux, les lapins se culbutent sur l'herbe, ou gaiement s'asseyent et les regardent passer en lustrant leurs poils et faisant aller leurs oreilles. Les chevreuils et les biches viennent frotter leurs museaux contre les bras de leurs grands frères. La joie de ce qui vit est immense et paisible. Sous l'empire des écorchés, ce soir ou demain, tout sera terreur et massacre. Mais les centaures ne scrutent point les secrets du destin et goûtent le charme des dernières heures. Cadilda, seule, trouve les fruits sans saveur et ne mêle pas sa voix aux paroles sereines des vieillards. Rassasiés, les animaux rois quittent le bois d'olivier pour gagner une source qui, tout près, jaillit entre deux pierres. Le goût de l'eau est parfait. Tour à tour, ils s'agenouillent, boivent à longs traits. Et quand ils se sont relevés, un chant arrive à leurs oreilles. Ils reconnaissent leurs frères au front cornu. Avant de gagner la rivière, ils ont le désir de les saluer. D'ailleurs, les jeunes frênes qui feront les meilleures massues sont un peu plus loin que le campement des pieds de chèvre. Sur le pré ombragé de chênes, faunes, faunesses et faunillons sont affairés. Les uns rapportent à pleine brassée des rameaux chargés d'olives, des oranges et des raisins mûrs, les entassent sur un lit de mousse, s'éloignent en toute hâte à la recherche de nouvelles provisions. D'autres s'exercent à souffler dans des roseaux troués. D'autres, très attentifs, répètent en chœur les paroles que leur enseignent les plus instruites des femelles. Quand leur accent n'est pas juste, les vieilles feignent de se fâcher. Tous rient et crient et recommencent docilement. Pirip lui-même, le visage illuminé, s'avance à la rencontre des visiteurs. Clévorac l'interroge. Les faunes sont lestes et nombreux. Pourquoi ne s'armerait-ils pas de gourdins pour résister aux envahisseurs? Ou, si la lutte leur répugne, que ne tentent-ils de retarder leur destin par la fuite? Très gai, Pirip secoue la tête. Le sang fait horreur à son peuple. Il ne connaît des combats que les corps à corps amoureux qui se terminent dans la langueur du désir satisfait. Les faunes ne résisteront point aux écorchés. Et ils n'essaieront point de se sauver, car ils ne sauraient survivre à leurs frères. Mais chaque année, à l'automne, ils célèbrent par une fête solennelle la splendeur luxuriante des fruits. Aujourd'hui, selon les rites ordinaires, ils mangeront, chanteront et danseront. Peut-être les écorchés ne les tueront qu'après la fête accomplie. À cet espoir, les yeux de Pirip s'enflamment de joie et il prescrit aux porteurs de fruits de se hâter. Une grimace fronce la bouche édentée de Hekem. Il méprise l'âme lâche des caprépèdes qui se laisseront immoler sans défense. Mais la volonté de Pirip est sacrée. Le désir de son peuple s'exprime par sa bouche. Encore une fois, les mains se serrent. Les cris d'adieu se répondent de part et d'autre. Quand la Vierge Blanche, la dernière, s'avance, Pirip lui sourit doucement et dit « T'en souviens-tu, Cadilda? Un jour, moi aussi, j'ai connu les choses de demain. » Et, derrière ses frères, Cadilda s'éloigne, enviant la gaieté puérile des faunes. Au bois des frênes, les centaures ont choisi de jeunes arbres lourds de sève et les ont arrachés du sol. Maintenant, tout en cheminant, ils élaguent les branches et les feuilles inutiles. Après les avoir dépouillés, ils les font tournoyer autour d'eux. Avant de mourir, ils frapperont plus d'un coup. Quand ils ont atteint l'embouchure de la rivière, ils entrent dans l'eau et rafraîchissent leurs pieds fatigués. Aussitôt, de tous côtés, les tritons des bouches des roseaux les environnent et les interrogent. Quel est le conseil que la nuit a suggéré au vieux chef? Quand Cadilda leur a dit le dessein arrêté, les fils de l'onde gémissent bruyamment et de désespoir tordent leurs mains palmées. Faut-il que les imperfections de leurs membres les empêchent de secourir leurs frères et de s'associer à leur destin? Clévorac les gourmande. Le temps de la mort est venu pour les centaures, mais les habitants de l'eau subtile auront encore des jours heureux. Gurgundo secoue la tête. Entre les trois races est un lien sacré. Les tritons, pas plus que les faunes, ne survivront aux dominateurs. Les froids et les pluies qui ont poursuivi les animaux nobles jusque dans l'île bienheureuse font souffrir cruellement tout le peuple visqueux. D'ailleurs, les écorchés envahissent toutes les terres. Leurs ruses n'épargneront point les fils de la mer. Profitant de leur lassitude, ils les massacreront par surprise, endormis dans les roseaux. Pourquoi la joie suprême est-elle refusée aux tritons de mourir en même temps que leurs frères? Leur sera-t-elle refusée? Un éclair court à la surface du fleuve. Flanquenor, qui jouait à l'embouchure de la rivière, lève au-dessus de l'eau sa face humide et jette le grand cri de détresse auquel, du plus loin qu'il résonne, chacun est tenu d'accourir. « Haro ! Haro !» En un clin d'œil, tout le fleuve étincelle de peaux luisantes et d'écailles. Tritons, sirènes et tritonneaux se précipitent au fil de l'eau. Les centaures suivent la berge en allongeant le pas, gravissent le petit cap rocheux qui sépare l'embouchure de la rivière de la pleine mer. Un spectacle incroyable s'offre à leurs regards. Voici que sur les flots clapotants se dresse un monstre bizarre qui, peu à peu, s'approche en battant l'eau d'une multitude de nageoires. Sa forme ne ressemble à rien de ce qui vit. Les centaures se remémorent les bêtes farouches disparues. Mais du lit de la rivière monte une voix. C'est Oyotoro qui triomphe bruyamment et invite ses frères à ne plus douter de ses paroles. Reconnaissent-ils maintenant les machines forgées par les hommes? En effet, sur le dos de l'étrange bête, les silhouettes maudites vont et viennent. Sans doute les écorchés tiennent conseil. Ils se désignent du doigt les centaures et paraissent hésiter. On entend le miaulement de leurs voix aigres. Mais l'un d'eux se penche au-dessus de l'eau. Voici Flax, le tritonneau, qui, tout doucement, s'approche de l'esquif. Il n'a pu contenir sa curiosité de voir de près le prodige. Mais au moment où l'imprudent allonge la main pour toucher une des nageoires pendantes, il jette une plainte et, le corps traversé d'une javeline, se tord sur l'eau qui écume et rougit. Un mugissement de colère couvre les acclamations des hommes. De tous côtés jaillissent au-dessus des vagues les têtes menaçantes des tritons. Avec des cris de rage, les fils de la mer fondent sur l'esquif, l'empoignent et l'ébranlent. D'abord stupéfaits, les nautonniers saisissent en hâte leurs rames, leurs javelines, leurs haches et leurs glaives de bronze, en frappant les visages verdâtres et les poitrines visqueuses. Hurlant de douleur, les tritons lâchent prise, puis reviennent plus furieux à l'assaut. Bientôt la mer se teint de leur sang. Beaucoup se débattent mortellement atteints. Mais à chaque instant, au moment où ils se penchent par-dessus bord, les hommes sont happés par des mains palmées, entraînés au milieu des flots, étouffés sous des étreintes irrésistibles. Dans la lutte, l'esquif a dérivé. La marée montante l'a rapproché du rivage. Les centaures encouragent leurs frères par leurs clameurs. Et, tout à coup, sa carbatule se baisse, déracine du sol un fragment de rocher, le balance un moment au-dessus de sa tête, et puis, avec un effort qui fait craquer ses os, le précipite. Il tombe sur le bord de la nef, qui gémit, s'enfonce, se relève de nouveau, se disjointe à demi. L'eau ruisselle à travers les fentes. Avec des gargouillements de joie, les tritons reviennent de plus belle, empoignent tous à la fois la poupe fracassée. La mer pénètre à gros bouillons. Les nautonniers, éperdus, se bousculent et se rejettent vers la proue. Mais soudain l'esquif se cabre comme une bête blessée et, lentement, avec des craquements sourds, s'enfonce dans les flots. Les écorchés poussent des plaintes affreuses, tordent leurs mains, et puis, jetant leurs armes inutiles, plongent et s'efforcent de gagner le rivage. Avant qu'ils aient fait quelques brassées, les fils de la mer les ont saisis, les étouffent entre leurs bras nerveux. Un à un, les corps blancs disparaissent dans les eaux troublées. Les centaures acclament leurs frères, qui lèvent vers eux leurs mains victorieuses. Mais le doigt sec de la vieille Babidam montre le large. Voici qu'au-delà de la pointe boisée, qui au nord limite l'embouchure de la rivière, apparaît un autre monstre. Derrière, il en vient encore un, puis un troisième. Leurs innombrables nageoires battent l'eau en cadence. Attirés par le bruit de la lutte, ils se hâtent. Déjà se distinguent les visages inquiets des maudits, scrutant la surface de la mer. Soudain, ils ont des gestes de désespoir. Leurs yeux ont aperçu les morceaux de bois arrachés qu'a entraînés la rivière. Ils devinent la catastrophe et préparent leurs armes. Si Gurgundo et son peuple le voulaient, ils s'échapperaient aisément. Tel n'est pas leur destin. Ils culbutent sur eux-mêmes et s'élancent avec des cris de défi. Les écorchés sont sur leur garde. Des volées de flèches accueillent les nageurs et couvrent la mer d'agonie. Tous ceux qui survivent abordent le premier esquif, l'empoignent. Mais les nautonniers les assomment à coups de hache. Ceux des autres nefs font pleuvoir sur eux de nouveaux traits. Avec des cris de douleur, les tritons se détournent, arrachent les morceaux de bois de leurs blessures, reviennent à l'attaque, se cramponnent des mains et des dents, font craquer les bordages, tandis que quelques-uns plongent et ébranlent le fond des barques. La mer écume sous les efforts des membres puissants. Un deuxième esquif s'abîme dans les flots avec tous ceux qui le montent. Pas un échappe au fils de la mer. Mais la lutte est trop inégale. Quatre monstres de bois ont débouché au secours des autres. Haches, glaives, javelines tranchent et percent les membres nus et les torses sans défense. La mer est jonchée de cadavres. Les cris de guerre se taisent. Il n'y a plus que des râles. Les hommes, penchés sur les eaux rougies, guettent les survivants. De loin, les centaures voient encore une fois se dresser les faces de leurs frères. Les vaincus leur font un geste d'adieu. Et puis, en une seule bande, entonnant le chant de mort, ils s'élancent à l'attaque suprême. Et, peu à peu, leurs voix s'affaiblissent, et l'on n'entend plus que les cris stridents des hommes, que domine peu à peu le murmure innombrable des flots. Telle fut la fin des tritons. Fils de la mer. Les centaures ont quitté la grève escarpée. Voici que pour eux aussi approche l'heure fatale. Ils descendent de la falaise et gagnent la grève sablonneuse d'Occident. Une crainte les étreint. Leur faudra-t-il tomber impuissant sous les flèches? N'auront-ils pas la joie de mourir en frappant? Un autre espoir encore les enflamme. C'est de mourir avant le coucher du soleil, qu'avant de se fermer dans la grande ombre, leurs yeux s'emplissent une dernière fois de la lumière divine. Mais voici quelle fut la fin des faunes. Tout le matin, selon la coutume, les pieds de chèvre, affairés, ont couru par les sentes de la forêt. En monceau, ils ont déposé sur l'herbe, devant les chênes, la moisson des raisins gonflés, des oranges jaunissantes, des olives noirâtres et de tous les fruits dont l'automne fécond charge les branches des arbres. Et puis, attendant l'heure consacrée, ils ont couronné de pampres leurs fronts cornus, entouré de feuillage leurs membres, leurs cous et leurs reins. Et au moment où le soleil a atteint le milieu de sa course, où la chaleur de ses rayons a mis en feu les sous-bois, Pyrippe, frappant dans ses mains, a donné le signal de la fête. tandis que les faunillons bondissent sur les pelouses avec des gambades frénétiques, les mâles et les femelles se divisent en quatre bandes. Alternativement, chacune se répétera des fruits succulents, chacune soufflera dans les roseaux troués, chacune chantera les chants consacrés, et chacune, éperdument, dansera sous les chênes en faisant voler les feuilles sèches. C'est ainsi qu'il se fait parmi les faunes, à la fête d'automne, depuis des temps immémoriaux. D'habitude, les réjouissances durent jusqu'au coucher du soleil. Aujourd'hui, ce sera jusqu'à la mort. Voici que, plusieurs fois déjà, chacun des faunes, à son tour, a chanté la beauté de l'automne, soufflé dans les roseaux mélodieux, bondi par-dessus les mousses et les fourrés, et s'est grisé de la saveur sucrée des raisins et des dattes. Et chacun s'est exalté du délire croissant de tous. C'est l'heure où une folie de joie se déchaîne parmi les pieds de chèvre. Leur âme légère vibre tout entière dans la fête. Rien de leur chaud, en dehors de la clairière jonchée de fruits et de feuillages, où les jambes velues tournoient éperdument, au son aigre des flûtes et des chants et des rires, dans l'âcre odeur de bouc qui emplit l'atmosphère. Il y a des sifflements dans l'air et des bruits d'ailes. Quels sont ces oiseaux? Pourquoi Turlue ne danse-t-il plus? Pourquoi Spring laisse-t-il échapper sa flûte? Pourquoi, cessant de sucer les fruits jaunes, Strix et Fut portent-ils la main à leur flanc? Pourquoi, au lieu d'un chant ou d'un éclat de rire, est-ce un lot de sang qui jaillit du gosier de Puyulex? Et pourquoi le tout petit pilpe, au lieu de se rouler dans les feuilles sèches, demeure-t-il très tranquille maintenant, le nez dans la mousse? Pourquoi? C'est que les oiseaux siffleurs qui s'abattent portent la mort sur leurs ailes. Que la mort soit la bienvenue. Les faunes ne la craignent ni ne la fuient. Grisés de joie et de fruits mûrs, les blessés ne sentent pas la douleur. Jusqu'à l'épuisement de leurs forces, ils chantent et dansent, laissant dans l'herbe des traces rouges. Et puis, quand ils tombent, les visages demeurent sereins, aucune angoisse ne contracte leurs traits. Un instant, leurs membres tremblent, et très vite, très doucement, ils exhalent le souffle, enivrés de la beauté de leurs rêves. Et leurs yeux vitreux et leurs larges bouches mortes rient encore de la joie d'avoir vécu. L'un après l'autre, ils tombent, insoucieux, sous la pluie des flèches. La fête sera close aujourd'hui, avant le coucher du soleil. Selon l'usage, Pirippe jette un cri d'appel. Tout ce qui demeure du peuple pacifique se prend par les mains et s'enlace en une seule ronde, chantant à tue-tête. Avec d'étonnantes cabrioles, les danseurs bondissent jusqu'aux fourches des arbres et dégringolent sur le gazon. Et puis, quelquefois, le meilleur sauteur demeure immobile. Ses frères lâchent ses mains inertes, se rejoignent et serrent la ronde. Et peu à peu, le cercle se rétrécit. Ils étaient 20, les voici 15, 12, 10. Les autres dorment dans l'herbe rouge, ont franchi leur corps d'un entrechat. Les voici 9, 7, 6, les voici 4. Ils s'arrêtent, Pirippe a la jambe traversée d'une flèche. Les trois autres sont hors d'haleine. En face d'eux, les fourrés de lauriers s'entr'ouvrent. Ce sont eux, ce sont les maudits. À demi cachés sous des peaux qu'ils ont volées aux bêtes, ils s'avancent avec précaution. La haine est sur leurs visages malingres. Ils serrent leurs armes dans leurs poings crispés. En tête est le plus grand. Il tient à la main un glaive. La peau d'un lynx couvre ses épaules. Une grande moustache fauve barre sa figure. Ses yeux étincelants se fixent sur Pirip, et Pirip se souvient des paroles de Haïdar. Et plus loin, en arrière, dans le gouffre du passé, il aperçoit un corps blanc de femme, il entend les plaintes d'un petit homme étouffé. Il revoit, se ruant sur sa dionx, un écorché adolescent, dont les yeux étaient pareils à ceux qui le contemplent. Il le revoit, brandissant le feu, devant la horde effarée des centaures. Le destin est souverain. Jadis, les maudits succombèrent sous les coups des animaux rois. Aujourd'hui, c'est le tour des faunes de tomber devant eux. Le passé ne revient pas. Hier, les faunes étaient maîtres des forêts. Aujourd'hui, ce sont les nouveaux venus. Tout ce que veut la nature est dans l'ordre. La loi de tout ce qui vit est d'accepter le destin. Quelques grappes de raisins gisent sur la mousse. Les faunes les ramassent et s'avancent vers les hommes, les mains tendues, le visage rieur. Leur tour d'exister est passé. Sans haine et sans peur, ils rendent hommage à ceux qui seront à leur place maîtres des bois. Mais, étonnés, les écorchés s'agitent et bandent leurs arcs. Avec des gestes de menace, ils font signe aux faunes de s'arrêter. Insoucieux, les pieds fourchus font un pas en avant. Sous une décharge de flèches et de javelines, tous quatre roulent à terre. Chacun est percé de plusieurs coups mortels. Le chef blond se retourne et semble invectiver ses compagnons. Puis tous s'approchent des corps gisants, les considèrent, en manient les membres avec curiosité. Et ils ricanent en remuant du pied les seins encore chauds des faunesses. Le chef blond s'est avancé vers Pirip, étendu sur le dos, et scrute longuement son visage. À deux reprises, il passe la main sur son front. Puis, parcourant les cadavres éparpillés dans le sous-bois, il a un sourire de triomphe qui illumine sa face blême. Un de ses frères lui amène un cheval. Il s'élance sur le dos de la bête et l'enserre de ses deux genoux. Mais sa main se lève, balance un javelot. Pirip, qu'il croyait mort, a tressailli. Les yeux du faune se sont rouverts et sa bouche rit aux yeux bleus qu'il reconnaît. La javeline du chef siffle dans l'air et cloue au sol Pirip, tout à fait mort. Telle fut la fin des faunes, fils de la terre. Sur la plage d'Occident, les sept centaures sont accroupis. Les massues posées à côté d'eux, les pieds de devant allongés sur le sable, les bras croisés sur la poitrine, le visage tourné vers le soleil, ils emplissent leurs yeux calmes de sa splendeur. Le jour décline dans sa gloire. La mer mauve s'enflamme sous les rayons de feu. De légères nuées d'or, de pourpre et d'azur, préparent à l'horizon le lit radieux de l'astre. Les centaures échangent des paroles sereines en attendant la mort. Viendra-t-elle de la mer? Les esquifs n'apparaissent point encore en face de la plage d'Occident. Viendra-t-elle de la forêt? Tout à l'heure, à la lisière, on a vu s'enfuir une horde de cerfs effarés. Peu importe, les centaures sont prêts. Les minutes s'écoulent. L'astre descend. De prodigieux flamboiements s'étendent dans le ciel. Soudain, Cadilda jette une plainte. Et Haïdar annonce d'une voix calme. Les voici. L'oreille du bois s'est animée. Partout, entre les troncs rugueux des pins, glissent les formes des maudits. Le soleil couchant illumine leurs peaux livides et tire des éclairs de leurs glaives de bronze. Plusieurs sont montés sur des chevaux. Ils grouillent nombreux comme des fourmis. Les centaures ramassent leurs massues, se lèvent lentement et font face à l'ennemi. Clévorac emplit d'air ses narines et proclame « Voici l'heure ». Puis, les bras étendus, de sa grande voix qui vibre dans la paix du soir, il bénit le soleil qui a donné la vie aux centaures, l'eau qui les a désaltérés, la terre qui les a nourris. Et après lui, chacun à haute voix répète les mêmes paroles. Cadilda doit parler la dernière, mais les mots expirent dans sa gorge. Elle cache son visage dans ses mains et ses flancs qui tremblent se pressent contre les flancs du chef. Clévorac pose une main pesante sur sa tête et lui dit « Accepte le destin ». Mais à son oreille monte en même temps la voix saccadée de Haïdar qui est à sa gauche. « Tu peux vivre, fuis au galop vers le sud, la vie est bonne !» Cadilda relève le front et regarde doucement le centaure blessé qui, parce qu'il l'aime, s'est haussé à un sentiment inconnu à sa race et qui accepte qu'elle ne meure point avec les autres. Mais elle secoue la tête. Maintenant elle est forte. Elle succombera aux côtés de ses frères. Clévorac donne l'ordre. Les animaux rois n'attendront pas lâchement la mort. Une dernière fois, leurs fortes mains se pressent. Puis, ayant affermi leur massue, ils s'avancent tous les sept à pas lents sur une seule ligne. Quand ils seront à une demi-portée de voix, les vieux oublieront leur âge et les blessés leurs plaies profondes. Dans un suprême effort, ils s'élanceront tous ensemble et périront tous ensemble en frappant. En voyant les centaures s'approcher, les hommes s'arrêtent et hésitent. Ils semblent considérer avec étonnement les membres décharnés, les visages ridés, les barbes hirsutes des vieux, et aussi l'énergie étonnante qui tient debout les blessés d'hier, Haïdar et sa carbatule, raidis, la tête haute, serrant leurs gourdins dans leurs poings. Sans doute, les assaillants craignaient des adversaires plus redoutables et plus nombreux. Et peut-être leur cœur implacable est ému. Haïdar murmure à l'oreille de Cadilda. Tu le vois ? La centauresse fait un signe. Du premier coup d'œil, elle l'a reconnu dans la foule de ses frères. Et, tout autre émoi aboli, elle le contemple. C'est lui. Sa taille s'est élevée. Ses membres ont pris plus de force. Une moustache fauve coupe en deux son mâle visage. Mais la grâce incomparable de son corps est demeurée la même. L'éclat de ses yeux n'a pas changé. Cette main qui tient le glaive est la même main qui se posa jadis sur le flanc de la Vierge. C'est lui, c'est l'enfant Naram. Il a échappé aux embûches de la faim et du froid, comme à la fureur des centaures. Il a rejoint ses frères. Aujourd'hui, il est leur chef. Il les dépasse par la puissance de son intelligence, comme par sa stature, comme par sa beauté. Tous écoutent docilement les ordres que jette sa voix, moins aiguë qu'autrefois, sa voix qui délicieusement caresse l'oreille de la Vierge Blanche. Cadilda souffre et Cadilda est heureuse. Jamais Naram ne saura combien il lui fut cher. Jamais il ne saura combien souvent la pensée de la Vierge est retournée vers lui. Jamais plus le regard d'azur ne se fixera sur la centauresse et jamais plus la main de l'homme ne se posera sur son corps. Voilà sa souffrance. Mais une joie infinie inonde Cadilda, parce qu'encore une fois elle revoit celui dont le souvenir a embaumé son âme depuis le jour lointain où, à son réveil, elle l'a aperçu pour la première fois, là-bas, au pays délaissé, près de la rivière aux cygnes. Tout à l'heure, les centaures mourront en regardant le soleil. Elle mourra les yeux pleins de la beauté de Naram, l'enfant pâle qui est devenu le chef au regard impérieux et au geste souverain. Ivre de son rêve, Kadilda s'avance. Naram est là, qu'y a-t-il d'autre? Mais Haïdar, qui marche à côté d'elle, s'étonne de ne point entendre encore le sifflement des flèches. Que prétendent les écorchés? Voici que, sur l'ordre du chef blond, les archers débandent leurs arcs. Ils saisissent de longues lianes minces qu'ils détirent et se mettent à ramper à la rencontre des centaures. Les cavaliers cognent des talons le ventre de leurs chevaux. Sur son coursier noir, la haute taille de Naram domine ses compagnons. L'instant est venu. Autour de lui, Clévorac promène encore un regard. Puis, faisant tournoyer sa massue, il jette le cri de guerre et bondit. Ses frères répètent le cri, rassemblent leurs forces, bondissent en même temps. Sans doute, les hommes ne croyaient pas les animaux rois, vieillis et blessés, capables de l'effort suprême. Ils marquent une hésitation. Leurs chevaux hument l'odeur du peuple aux six membres et s'effarent. Avec des cris aigus, Naram encourage ses guerriers, réprime les soubresauts de Kahar, le pousse en avant, et le premier lance une longue liane qui se déroule en sifflant. Des bras de ses frères, d'autres lianes semblables s'échappent, pareilles à des serpents volants. Elles s'abattent parmi les centaures, enlacent leurs torses et leurs bras, s'enchevêtrent autour de leurs jambes, les font broncher dans la charge finale. Les écorchés jettent des clameurs de triomphe. Mais, d'une seule tension de leurs muscles, les animaux rois ont fait craquer les liens trop faibles, les éparpillent en fragments inoffensifs. Et, massue levée, ils se précipitent au milieu du peuple impur. Sous le choc des poitrails, les corps roulent à terre. Ils s'écrasent sous les sabots durs. Les bras des centaures se lèvent et s'abaissent pesamment. Dans un rêve, Kadilda entrevoit des faces grimaçantes. Elle entend des râles d'agonie. Elle sent ses pieds s'enfoncer dans des chairs molles. L'audace des maudits est châtiée. Les dominateurs ne tomberont point vivants dans des mains infâmes. Les hommes s'affaissent pêle-mêle sous leurs coups. Alors, renonçant à leur dessein téméraire, les maudits saisissent leurs glaives et leurs javelines et frappent. L'un après l'autre, les centaures succombent. Le premier, le vieux Miorak, sent un poignard s'enfoncer dans son ventre. Ses pieds s'entravent dans ses intestins et glissent. Il s'écroule avec un cri rauque. Puis sa carbatule, qui s'est deux fois relevée, demeure immobile à son tour. Babidam, Ekem et Clévorak se débattent contre des grappes d'assaillants accrochées à leurs flancs. Kadilda est restée isolée à côté de Haïdar, qui la couvre de son corps. Une forêt de bras brandissent autour d'eux des épées, des lances, des haches, des javelines. Plusieurs fois, le centaure les fauche de furieux moulinets de sa massue. Et puis, un glaive troue sa poitrine de part en part. Haïdar jette une plainte de détresse et tombe à genoux. Une douzaine d'écorchés se ruent sur lui, plongent des poignards dans ses épaules, dans son cou, dans son torse sanglant. Il soupire et s'étend sur le sable. Terrifiée, la centauresse fait un pas en arrière, ferme les yeux, attend le coup mortel. Une voix qui commande la fait tressaillir. Elle rouvre les yeux, étonnée de vivre. En face d'elle, les hommes ont lâché leurs armes et restent immobiles. Hors de leur rang, monté sur son cheval noir, Naram, le chef blond, s'avance tout seul. Naram, les jambes de la centauresse tremblent sous elle. Un tourbillon de joie emporte sa pensée. Tout est oublié. Rien n'existe, sinon Naram qui s'approche d'elle, qui veut la sauver. Elle se rappelle sa main, cette main qu'elle voit et qui un jour se posa sur son flanc. Elle se rappelle son rêve étrange. Le bonheur l'affole. Il est là, il vient à elle. Elle a une plainte inarticulée, sourit au chef et lui tend les bras. Le cheval noir effrayé se cabre et se laisse retomber sur le poitrail de la centauresse. Sous le poids, elle fléchit, se redresse. Du choc, le cheval a roulé à terre. Où est son cavalier? Un fait inattendu écrase les reins de la Vierge. Elle gémit et tourne la tête. Ce n'est pas un rêve. Le visage de Naram est contre le sien. D'un bond, le chef s'était lancé sur son dos. Les cuisses nerveuses de l'homme étreignent ses flancs. Un des bras de Naram s'enroule autour de son torse. Son souffle erre sur le cou de la Vierge. Elle défaille de volupté, de tendresse et d'amour, baisse les paupières et, rougissante, s'abandonnant, tend ses lèvres à l'homme comme dans son rêve. Violemment, Naram saisit sa chevelure, la tord d'une main et, de l'autre, avec un hurlement de victoire, passe un mort de bronze dans la bouche à la bête de somme nouvelle qu'il vient de conquérir. La clameur des impurs célèbre son triomphe. Trop tôt, Clévorax s'est débarrassé de ses assaillants. Il aperçoit sa fille, rugit horriblement et fonce à travers les rangs humains qui s'effondrent sous ses pieds. Naram le voit venir et veut fuir, mais il est embarrassé dans ses propres liens. Les maudits, impuissants, jettent des cris de terreur. Sur la tête de l'homme, le vieux chef brandit sa massue. Mais au-devant du cou, la centauresse blanche s'est cabrée. Naram, qui donc ose frapper Naram? Sur le front de la Vierge retombe l'arme meurtrière. Le crâne fracassé, Cadilda s'affaisse sur le sable. Celui qu'elle aime est vivant. Ses lèvres, qui saignent sous le mort de bronze, sourit encore et elle balbutie « Naram, Naram !» Les yeux fous, Clévorac regarde la Vierge morte de sa propre main. Naram est déjà debout, ramasse son glaive, ses frères accourent. Mais le vieux centaure est d'un seul saut sur l'homme blond. Il l'empoigne dans sa main formidable, l'arrache de terre, fait tournoyer le corps hurlant autour de sa tête, frappe à droite, frappe à gauche, s'ouvre un chemin et, d'un galop irrésistible, s'élance vers la mer, entraînant avec lui la loque informe dont les os se disjoignent et dont les chairs ensanglantent le sable. Quand les vagues lèchent ses sabots rouges, le chef se retourne. D'un geste large, il rejette le cadavre, qui va s'écraser parmi la meute blême, et il se précipite au milieu des flots qui rejaillissent autour de lui. À l'horizon quaternaire, décline le disque éclatant du soleil. Qu'importent les aigres glapissements des maudits, qu'importent les vains sifflements de leurs flèches. De l'effort rythmé de ses muscles, Clévorac, l'ancêtre, les yeux fixes, nage vers l'Occident. À celui dont il est né, le dernier des centaures rendra la vie qu'il en a reçue. À la rencontre du vieux chef, l'astre paternel descend sur les eaux et, dans un flamboiement immense, lui tend ses bras de lumière. Tout le ciel brûle, une atmosphère de feu baigne le centaure. Des voix indicibles bourdonnent à ses oreilles. Des effluves divins l'enveloppent. Devant lui, à droite, à gauche, de l'horizon au zénith, tout est or, tout est pourpre, tout est clarté. L'astre emplit le ciel, emplit la mer, s'empare du vieux centaure, le recueille, le saisit, l'entraîne avec lui. le terme du voyage est atteint. Dans l'embrasement universel, Clévorac le chef sent son âme se dissoudre. Il lève les bras avec un grand cri et s'engloutit dans le soleil.